Déjà quand j'étais enfant, je draguais les petites filles en jouant. Quand j'étais adolescent, je courais derrière les meufs excitant. Quand j'ai fêté mes 20 ans, je butinais les petites fleurs croustillant. La vie c'est plus sympa quand on côtoie les nanas. La vie c'est plus sympa, nanana. Lorsque j'ai eu mes 30 ans, je vivais plusieurs histoires en même temps. Arrivé à 40 ans, je goûtais les belles gazelles goulûment. Puis j'ai eu mes 50 ans, j'emballais en coupé sport grisonnant. La vie c'est plus sympa quand on côtoie les nanas. La vie c'est plus sympa, nanana. Aujourd'hui j'ai 60 ans, je chasse deux ou trois poulettes discrètement. Quand j'aurai 70 ans, je ferai du pied aux femmes en boitant. Si j'atteins 80 ans, je les suivrai en fauteuil en roulant. La vie c'est plus sympa quand on côtoie les nanas. La vie c'est plus sympa, nanana. Et lorsque je serai mort, elles pleureront encore sur mon corps. Allongé dans mon cercueil, je voudrais qu'elles se recueillent toutes en deuil. Et peut-être après ma mort, je draguerai les grands-mères en enfer. La mort c'est plus sympa quand on côtoie les nanas. La mort c'est plus sympa, nanana. La mort c'est plus sympa quand on côtoie les nanas. La mort c'est plus sympa, nanana.